Oh, tiens, sans pas que je mute, sans pas que je me venir, mais probablement que j'essaie ma mute. Oh, tiens, sans pas que je mute. Sans pour que je m'émine, sans pour que je m'émine, são pobres meninos, mas para o ano já são maridos.